des billes, t'es des billes, des parcs, t'es des billes, des boîtes, t'es des draps. On sait que t'es clair, on sait que t'es carte, t'es les qu'est les cuisses, t'es foule le tuer. T'es des flacs, comme les FFF flics, comme ça flip, on part à ta traque. Pas de clic, clic, ni de clac, clac, on t'a attaché, ma coupe m'en matraque. Pas de blessé, mais que t'es blessé, ton acte de décès sur mon tra-tra-tra. Si tu te sens vexé, j'ai un gros WC, mais tu seras mort avant de la tra-tra-tra. Tu pleuras de corps, tu floras de tort, t'acnais au rapport avec beaucoup de tac. Si ça remorque avec une remorque, jusqu'à la mort, on te dit le bis, on mise, on kiss. Garde la maîtrise, la mouise qui nous vise. Et dans ces kisses, le temps nous qui vise, les gens se déguisent. Allez, allez, danse dans le dark. Éteins la pièce, on débarque. À l'essence, on te braque. L'étincelle et le rap, dark.